Deux hommes donnent leur âme pour que vous conserviez la vôtre et se plongent dans la lecture souvent douloureuse de manuscrits artisanaux à tendance parfois érotique. Sauront-ils retranscrire dignement leurs tristes aventures ou se perdront-ils dans la fanfiction? Ce podcast est déconseillé aux mineurs. Bonsoir à tous, nous sommes sur le terre-terre, c'est Laser, je suis Raphaël Tancle. Et je suis complètement contre cette introduction. T'as massacré un de mes idoles. C'est ça que t'as fait vraiment là? Ouais. Merde. C'est pas juste pour l'humour, vous êtes ce soir, ou ce matin, ou ce midi, réunis ensemble, et vos oreilles s'apprêtent à se faire déverser une histoire immonde sur nos amis les Pokémon. Pardon. Mais en tout cas, c'est le troisième épisode de Fanfriction, et bienvenue à tous. En ce qui me concerne, je ne m'excuserai pas, parce que j'aurais pu m'excuser, mais j'ai lu ça et j'ai envie, je veux pas m'excuser parce que c'est terrible, mais je l'ai fait, j'ai pris le temps, j'ai fait l'effort, donc faites-le aussi, je vous en prie, et essayez de comprendre, essayez d'apprécier. Ça va pas être facile, mais si vous laissez votre cœur s'ouvrir un petit peu, il y a moyen. Bon, allez. Moi, j'ai tellement peur, mais on peut se plonger dedans tout de suite. J'ai donc lu ce récit écrit par mon nouveau meilleur ami, Pollux01. Je sais même plus qui c'est, Pollux. C'était pas genre une marionnette? Probablement, mais je ne pense pas. C'est pas Pollux, P-O-L-U-X. Hein. C'est comme Paul, le prénom, Pollux, quoi. D'accord. Probablement. C'était Pollux le chien. De Zébulon. Photos, oui. On dirait un Twinkie un peu. Anyway, Pollux01, un homme qui avait du temps sur les mains. Et un projet. Un projet et même parfois du talent. Pas toujours. Un talent mal réparti. Une tartine de talent qui est tombée du côté de la confiture. L'histoire se passe. On peut avoir un titre ou c'est trop en dire? Je ne savais pas si je commençais par la petite musique ou par le titre. Le titre, c'est « Attraper les toutes ». Non. C'était si évident. J'ai cherché un bon titre à la base. Je m'attendais vraiment à trouver quelque chose qui faisait un jeu de mots sur Bourg-Palette. Mm-hmm. Mais « Attraper les toutes », ça va, c'était assez bon. C'était correct. Ok. Avant de tomber dessus, j'ai lu quelque chose d'horrible où c'était Pikachu qui se tapait une meuf sur à peu près 10 pages de description. Oh ! Et c'était vraiment du cul à partir de la ligne 3 jusqu'à la putain de dernière ligne. Et on décrit genre la forme de son engin ? Absolument. Ah, c'est terrible. Bon, passons à la suite. Tu n'es pas au bout de tes surprises. Non, pas des attaques éclairs. Donc, le récit, alors, j'imagine que vous savez tous ce que c'est qu'un Pokémon et que vous connaissez tous Pokémon. Cela dit, Pokémon étant à la base un jeu vidéo sur Game Boy, la plupart d'entre nous sont familiers de... Enfin, c'est le premier média au travers duquel ils ont découvert cette franchise. Maintenant, il y a aussi plein de gens qui sont arrivés avec le dessin animé. Donc là, on a... Et les vrais, à l'école primaire, ils avaient des cartes Pokémon. Exact. Là, on a le roman, si j'ose dire, d'un puriste, c'est-à-dire quelqu'un qui commence là où tout a commencé, sur une cartouche de jeu bleu ou rouge de Pokémon, le jeu vidéo sur Game Boy. Le héros s'appelle Nico. Ok. Nous sommes à Bourg-Palette. Avec un K ou un C? Avec un C, malheureusement. Okay. Dommage. Nous sommes à Bourg-Palette... C'est le jour où le professeur Chen doit remettre des Pokémon aux jeunes du village. Attends, mais ils ont 9 ans, genre. Je c'est jamais dit l'âge qu'ils ont. J'ose espérer qu'ils ont genre 17 ans et 11 mois et 29 jours. Parce que Ok. On va pas être dans une histoire où je vais être très confortable à... Je ne souhaite pas. Ok, très bien. au moins la majorité sexuelle, s'il vous plaît. Nous sommes là pour Palette. Le professeur Chen va distribuer ses Pokémon. Nico rêve d'avoir Salamèche. Ok. À ce moment-là de ma lecture, je ne sais pas encore d'où le cul va venir. Et donc, il viendra. Mais je l'attends au tournant. Donc chaque détail est important pour moi. Et le livre commence par une description sommaire des trois Pokémon de base. Donc Bulbizarre, Salamèche et Carapuce. Team Bulbizarre. Bien sûr. Et déjà. Oh, s'il avait eu. Oh non, je veux même pas penser à Fouelian et tous ces trucs-là. Ah. Déjà, dans la description, alors qu'à l'époque, il n'était pas du tout question de ça, on nous décrit que Bulbizarre est une femelle, Salamèche un mâle et Carapuce un mâle. Du coup, je sentais le cul venir de cet angle-là. Puis après, tout un tas de détails font qu'au final, ça brouille beaucoup les pistes. Peut-être quelque chose de très audacieux de la part de l'auteur. Toujours est-il que le jeune garçon, Nico, espérant qu'il n'est pas trop jeune encore une fois, rêve d'avoir Salamèche. Très bien. Nico vit seul avec sa mère et sa sœur jumelle. Sa mère s'appelle Karine, sa sœur s'appelle Léa. Du coup, on est plutôt dans la région Nord-Pas-de-Calais de Bourg-Palais, quoi. Bourg-Palette sur Game Boy étant une petite ville qui comporte 4 bâtiments, dont le fameux laboratoire Pokémon, on peut imaginer qu'il n'y a pas beaucoup de... Voilà, c'est très fidèle au jeu vidéo. D'accord. Il y a probablement des gens dans cette ville, etc., mais n'importe quel personnage... S'appelle Karine, à savoir le pire prénom, mais... Karine, c'est sa mère. Ouais. C'est terrible comme blase. Ne faites pas ça, les gens. C'est vrai qu'on n'aime pas... Bon, non, si tu t'appelles Karine et que tu écoutes ça, on t'aime beaucoup, probablement. Beaucoup de bisous. Mais pas trop près. Oh. Donc, notre ami Nico se réveille. Il est tout excité à l'idée d'aller chercher son nouveau Pokémon, mais il s'est réveillé un peu en retard, il est en pyjama... Il se dépêche, il rentre dans la salle de bain en se dépêchant, et là, sa sœur prend sa douche nue. Normal. Et donc, il voit sa sœur nue, il est un peu décontenancé, il ressort. T'as dit que c'était sa sœur jumelle, non ? Oui. Ok. J'aurais préféré que ça ne soit pas le cas. Il sort, sa mère lui fait une sorte de câlin. Enfin, il y a une description sur le câlin qui est genre... Jusqu'ici, il n'y a rien de tangible, mais tout est un petit peu suspect. C'est-à-dire qu'il voit sa sœur et, oui, certes, il la voit nue et il a une petite seconde d'arrêt, pas parce qu'il y a quelqu'un nu, mais parce qu'il voit son corps et ça lui fait quelque chose. Ensuite, sa mère lui fait un câlin quand il sort et ça lui fait quelque chose. Donc là, j'étais vraiment... Je savais pas d'où le cul pouvait venir et j'avais peur parce que je venais de lire ce truc où au bout de 3 lignes il y a déjà du cul, donc je me disais ça se trouve on va jamais sortir de Bourg-Palette et il va juste niquer sa famille. Pas de l'inceste s'il vous plaît, pas d'inceste, j'aime juste pas ça du tout quoi, comme topic c'est genre même les tentacules je me sentais plus à l'aise avec ça que... mais non. Et donc il sort de sa maison, il va dans le laboratoire Pokémon. Tout comme, il me semble, le dessin animé, il arrive en pyjama au laboratoire Pokémon et il n'y a plus de Pokémon disponible car c'est apparemment dans cette version de l'univers, il n'y a que 3 élus qui ont le droit d'avoir un Pokémon. Ils ont déjà pris leur Pokémon et sont partis à l'aventure. Notre héros se retrouve donc à faire chou blanc. Il a un grand moment de remise en question, blabla, j'ai pas mon Pokémon, ouin ouin. Et il traîne un peu dans le laboratoire le cœur bel et bas. Surtout que Salamèche, il est chaud à attraper. Pour commencer tout le podcast. Bref, il passe devant cette piédestal et sur lequel, sous cloche, il voit ce qu'il reconnaît comme être une Pokéball. Mais au lieu d'être rouge et blanche, elle est genre verte et rouge avec le... Enfin, ça a l'air assez spécial. Et du coup, il se dit, il y a un Pokémon là-dedans, super, je vais tirer cette Pokéball pour avoir ma vie d'aventure, car je ne souhaite pas, comme ma mère et ma sœur, travailler au centre Pokémon pour soigner les Pokémon toute ma vie. Donc, un établissement de la société quelque peu sexiste, vu qu'apparemment, il y a 3 garçons qui ont le droit de partir, et puis les femmes restent s'occuper des Pokémon. Tout, tout, tout, tout, tout, tout. C'est à peu près ça. Donc... Il prend cette Pokéball, il la met dans sa poche, il rentre chez lui. Attends, mais il a soulevé la cloche, il l'a chouré, il n'y a pas d'alarme, rien, rien. Ok, tranquille. Il rentre chez lui. On va dire qu'on est de l'après-midi. Il voit un flash info à la télévision qui est... Il y a une femme policière qui s'appelle Jenny, si je ne m'abuse. On est vraiment dans le Nord, en fait. Alors, il y a un petit léger commentaire assez rapide sur le fait qu'il la trouve très séduisante. M'amène. Encore une fois, je sais comment va... Ça va venir d'où. Bref, cette femme policière explique que quelque chose a été volé dans le laboratoire Pokémon et que c'est très grave. Donc, lui se dit, mais mon Dieu, qu'est-ce qu'il peut y avoir de si spécial avec cette Pokéball ? Il rentre dans sa chambre. Il commence à observer la Pokéball. Attends. La Pokéball, elle était sur un piédestal dans le chez Professeur Chen. Absolument. Ah ok, j'ai cru que c'était genre sur la place du marché, il y avait un piédestal et du coup genre je comprenais archi pas. C'était sa collection personnelle. Un objet qui avait l'air d'être de valeur dans le laboratoire Pokémon. Très bien, excuse-moi. Il est dans sa chambre, il sort la Pokéball et il se demande... Qu'est-ce qu'elle a de si spécial ? Quand sa sœur rentre avec perte et fracas dans sa chambre et commence à lui hurler dessus. Habillée cette fois, Dieu merci. Il fait tomber la Pokémon. Oh mon Dieu, mon vocabulaire est horrible. Il fait tomber la Pokéball. Un jet de lumière rouge sort de la Pokéball, aspire sa sœur et sa sœur se retrouve emprisonnée dans la Pokéball. Oh merde. Je dis pas les sœurs. Il a un grand moment de remise en question, genre les humains sont pas censés être dans des Pokéballs, qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Il commence à avoir peur parce que sa sœur apparemment c'est un peu une nerveuse, il se dit que s'il la sort maintenant elle va hurler et l'accuser du vol, etc. Et sa mère l'appelle pour manger, donc il décide d'aller manger et de mentir à sa mère en disant que sa sœur est partie. Les préoccupations d'adolescent. C'est assez réaliste hein, jusqu'ici, à part pour les trucs où il mate sa sœur et câlin avec sa mère. Juste ce côté-là est bien retranscrit. Après manger, il remonte dans sa chambre. Alors je crois que pendant le repas, il y a un flash info où la meuf de la police explique que c'est un truc qui avait été pris par la Team Rocket à la base. Donc on parle de la Team Rocket, je suis excité, j'adore la Team Rocket. J'aurais voulu que le cul vienne de la Team Rocket. Je sais pas comment, mais voilà. En plus, c'est les seuls qui ont l'air d'être adultes. Donc à la limite, tu mets le mec et la meuf de la Team Rocket qui niquent, ça passe, tu vois. C'est des gens qui savent ce qu'ils font. Bref. Il remonte dans sa chambre en se disant « Mais qu'est-ce qu'il peut bien y avoir de si spécial avec cette histoire ?» Fait sortir sa sœur de la Pokéball. Ils ont une engueulade. Okay. Et à un moment, voilà, leur engueulade commence à devenir compliquée. Sa sœur dit qu'elle va le balancer parce que c'est horrible dans la Pokéball et qu'elle veut retrouver sa liberté, ce qui est tout à fait normal. Et donc, il la réenferme dans la Pokéball, en gros, et on nous dit que juste avant qu'il la réenferme, sa sœur, elle a une espèce de regard un peu docile. Oh non ! qui remarque, voilà, donc il commence à saisir tout le pouvoir de l'objet qu'il a attrapé. Et donc là, je vais complètement te prendre par surprise. Ok. Mais de la pire des façons. Oh non ! C'est ça qui m'est arrivé. Okay. Il descend dans la salle à manger, genre pour aller pisser ou quelque chose. Dans la salle à manger ? Non. C'est ma daronne ou quoi ? Alors, on nous explique... déjà, on nous explique un truc à un moment, c'est comment ils ont eu la maison comme possession familiale. Sa mère, elle les a eus très jeunes et elle a eu de la maison dans des circonstances un peu étranges. On nous fait mention de la gentillesse de la personne qui lui a vendu la maison, de la gentillesse de la personne qui a fait les travaux. Il y a beaucoup de bons samaritains. Il y a beaucoup d'apostrophes. Il y a beaucoup d'accents circonflexes. Enfin, il y a vraiment une grosse... de manière sous-jacente, on comprend qu'en gros, la mère, elle a un peu couché à droite à gauche pour avoir la maison. Voilà, donc ça, on nous dit, donne ça un moment. Et... on nous explique que la maison est assez petite et qu'en gros la mère doit dormir sur le canapé pour que ses deux enfants puissent avoir leur chambre particulière. Donc nous avons mis... Si, une mère courage. nous avons... Range tout ce que tu as à dire sur la mer. Parce que Nico descend, voit qu'il y a... Non, il s'appelle Nico, c'est vraiment non, ça mais... le pire, je crois. Faut pas m'interrompre parce que je vais être obligé de faire ce moment-là le plus vite que je peux. Ok, je m'accroche, je reste immobile, je me fais. Nico descend, voit qu'un sang dépasse de la... sur la robe de nuit de sa mère qui dort. Et je ne sais pas pourquoi, voilà, il attrape le sang de sa mère et il se masturbe au-dessus d'elle. Je suis désolé. Ok. Je pourrais rentrer dans un peu plus de détails. Non, je choisis de ne pas le faire. C'est bien. Voilà. Alors, il y a quand même un moment qui... C'est le premier moment qui m'a fait beaucoup rire. Parce que j'aurais dû arrêter hein, quand j'ai lu ça. J'aurais dû changer tout de suite d'idée, etc. Mais juste après que ça arrive... Alors, je vais encore être obligé de redire un truc dégueulasse, mais pour nettoyer... Oh non Il nettoie le sol et sous le canapé, il voit l'ombre d'un objet et on nous dit que c'est le c'est le God Miché Topiqueur de sa mère. Non Alors moi, c'est pas un trio piqueur. Et c'est donc là que c'est donc là qu'on réalise que le mec qui écrit ça, il écrit ça pour, il écrit ça aussi. Et je sais pas comment ça peut se passer comme ça dans sa tête. Il écrit ça aussi pour les gens qui ne connaissent pas Pokémon, parce qu'il parle du God Miché Topiqueur, et là, il met un petit entre parenthèses du style « Si vous ne voyez pas à quoi ressemble ce Pokémon, allez voir sur Google, ça vaut, vous allez comprendre. » Donc, il y a une volonté d'inclure tout le monde dans la compréhension du récit, que j'ai trouvé assez intéressante. Bref, Nico retourne dans sa chambre et va s'endormir. Bref, le lendemain, Nico se réveille et... Et la daronne, elle est pas inquiète en mode « t'as pas vu ta sœur ?» La daronne, elle dort assez lourdement pour que... Je suis désolé, je vais le redire, mais son fils vient se masturber. La daronne a un sommeil très profond. Et se couche très tôt. C'est tout ce que t'as besoin de retenir de cette histoire. Le lendemain, Nico... L'air de rien, il est quand même super déprimé parce qu'il se dit « je vais pas vivre ma vie d'aventure, j'ai juste une Pokémon chelou avec ma sœur enfermée dedans et je vais finir en prison parce qu'elle veut me balance ». Il essaye de trouver un terrain d'entente avec sa sœur, donc il la fait sortir de la Pokéball et ils ont des grandes discussions sur comment ils vont régler cette histoire. Il lui propose d'aller l'emmener chez le professeur Shen afin que le professeur Shen règle cette histoire. La sœur fait une allusion au fait qu'elle veut pas voir le professeur Shen parce que c'est un pervers. Elle explique à son frère qu'apparemment le professeur Shen se taperait leur mère tous les jeudis. Voilà. Okay. Et malgré tout, ils décident de voir ce qu'ils peuvent faire. Je pense qu'ils attendent que la nuit tombe. Ils vont vers J'espère la... J'espère qu'on n'est pas jeudi. on sait pas quel jour on est. Ça peut te prendre par surprise à n'importe quel moment. Bref, ils vont devant la maison du professeur Shen, c'est la nuit, ils veulent s'introduire de manière discrète parce que bon, il y a quand même un objet de très haute valeur qui est volé, etc. Ils arrivent devant la maison du professeur Shen. Je crois que oui, alors Nico fait sortir sa sœur Léa de la Pokéball. Il regarde dans la maison du professeur Shen à travers une vitre et il voit que le professeur Shen est en train de se taper la policière. Exactement. Voilà, on y était. Le salaud goujat. Le professeur Shen. Ah oui, alors il y a quelque chose que j'ai oublié de dire qui est pourtant si important, c'est que le mec qui écrit la scène de quand, je suis désolé, mais il y a l'expérience avec la mère. Je pense qu'il a quand même eu genre un certain gramme de scrupules après avoir écrit ça, et il justifie ça du point de vue du Nico en disant que de toute façon dans ce village sa mère c'est une des femmes les plus jeunes et les plus séduisantes. Oh, c'est encore pire. Ouais, c'est presque pire à cause de ça. C'est littéralement pire. je suis plus très objectif, mais je veux bien te croire. Donc, on voit le professeur Shen qui est dans des ébats avec la policière Jenny. Fort heureusement, on n'a pas trop de détails. Malheureusement, le seul détail qu'on a, c'est le pire. Une fois qu'ils ont terminé leur débat, on nous dit que Jenny se dirige vers la sortie de la chambre avec, désolé, du foutre plein le visage. Okay. Donc, les deux, nos deux personnages principaux, nos deux héros, se disent que c'est le moment d'essayer de s'introduire chez le professeur. Parce que alors ça... que pas du tout, hein. Juste pas le moment du tout. Revenez un autre jour, genre jeudi, il sera pas là, tu vois. La logique étant que sa partenaire étant en train de partir, c'est le bon moment. Et ils font le tour de la maison, et au moment de rentrer dans la maison, qu'est-ce qu'ils voient à l'extérieur de la maison ? L'officier de génie, en tenue de travail, toute propre, devant la maison, en train de monter la garde. On ne nous dit pas pourquoi il y a besoin de monter la garde devant chez le professeur Chen, mais bon. Ah, la meuf est fast ! Donc ils ont ce petit moment de se dire, mais comment c'est possible que... Est-ce qu'elle se téléporte ou quoi ? C'était, il y a 10 secondes, on l'a vu, bref. Il y a ce petit moment étrange. C'était donc un clone. Les voilà obligés d'attendre que l'officier de génie ait un moment d'inattention. Ce qui n'arrive pas, parce que l'auteur se fait un malin plaisir de nous expliquer que l'officier de génie est un modèle de professionnalisme et qu'elle ne quitte pas son poste et qu'elle est très vigilante. Mais au bout d'une heure ou une heure et demie d'attente, la patience paye et l'officier de génie se voit remplacé par l'un de ses collègues, l'officier Greg. Nous allons en parler. Non. L'officier Greg qu'on nous décrit comme... un type un peu grassouillé, un peu dégueu, qu'il arrive, il dit bonjour à l'officier de génie, et quand elle part, il lui met le cul pendant de longues minutes. Genre la meuf, elle marche hyper doucement. En tout cas, il lui met le cul de manière très lourde. Okay. Chaque seconde de cul qu'il peut voir, il la saisit. Il est très carpe diem comme type. T'es de la nectar, divin. Donc, le... Le problème maintenant, c'est d'essayer de distraire l'officier Greg. Mais jusqu'ici, le récit étant centré sur les deux personnages, on ne s'attend pas à ce que l'auteur fasse ce qu'il fait, c'est-à-dire qu'il nous fait tout un pamphlet sur l'officier Greg d'un seul coup. Ok. Un pamphlet que je vais vous lire tel quel, parce que j'ai trouvé ça... Bon, c'est terrible, hein, mais c'est drôle en même temps, donc... L'officier Greg patiente auprès de la porte du laboratoire. Il en a assez. La seule chose qu'il désire, c'est de quitter son poste pour aller se payer une prostituée. Oh là là. S'il est entré dans la police, c'est avant tout pour l'autorité que cela lui apporte. Mais il a vite compris que ce n'est pas parce qu'il est en charge de faire appliquer les lois que tout le monde s'est mis à le vénérer, bien au contraire. Voilà donc 10 ans que l'officier Greg enchaîne garde de nuit, prostituée le soir et paperasse la journée. Oh non. The 99. Heureusement que dans la même brigade que lui se trouve l'agent de génie. Il peut passer des heures entières à la mater discrètement. Depuis un an maintenant, il collectionne les photos de ses collègues, mais surtout celles de Jenny, qu'il prend discrètement sous les douches collectives des femmes, grâce à du matériel spécialisé que son statut de policier lui a permis d'acquérir. Voilà bien la seule chose qu'il ait retirée de sa profession. Donc, un bon flic, comme on les aime. Pas un ripou. On a une petite critique sociale, j'adore. Ouais. C'est à peu près le seul moment où une femme et un homme qui font la même chose, la femme fait la chose bien et l'homme est nul. C'était le seul moment correct de tout le livre. Désolé parce qu'il n'y aura pas d'autres moments comme ça. Donc... Jenny retourne faire la cuisine. Jenny a disparu. Et Nico a la brillante idée, après avoir repensé, parce qu'il a quand même repensé ici et là, avoir vu sa sœur à poil le matin de la veille, parce que voilà, apparemment il est très excité, et il a la brillante idée de, et je ne me demande pas pourquoi elle accepte, de faire courir en gros sa sœur à poil pour attirer l'œil de l'officier. Ok, ça me rappelle une histoire personnelle, mais... Oh, quoi? Avec le début et tout? Non. Juste de distraire quelqu'un avec un fessier nu. Ah oh, bah ça nous est tous arrivé ça. Le Hugo. Gnome sert encore à faire ça régulièrement. Donc, il fait courir... C'est très ingénieux. Hein. Il faut savoir que ces moments-là sont assez bien écrits. Il fait courir sa sœur à poil qui dit à l'agent « Attrape-moi si tu peux » ou je ne sais quelle connerie. Et l'agent est là genre « Oh, trop bien, une femme à poil, pas besoin d'aller voir une prostituée après. » C'est littéralement ce qu'il dit, hein, c'est pas mon interprétation. Okay. Mais il y en a beaucoup dans le lore Pokémon des... Est-ce que c'est des Lilliputes de quoi Des prostituées? Oui. Non, non, parce que jusqu'ici, j'attends du sexe avec les Pokémon, mais pour l'instant, tout ce que j'ai eu, c'est de l'inceste dégueulasse et beaucoup d'incertitudes. Ok. Donc, il court après la jeune fille, et quand il passe le coin de la maison, Nico la rattrape dans la Pokéball à distance, et donc elle disparaît, et l'agent, il est sorti de son poste. Assez smart, quand même. Ça va, même si, genre, beau lancer de Pokéball. Non, je crois qu'en appuyant sur le bouton, tu peux le faire à distance, ouais. Le dessin animé est d'accord avec ça. Le jeu vidéo, je ne me souviens plus. Toujours est-il que il rattrape sa sœur dans la Pokéball. L'officier Greg, dont, fort heureusement, nous n'entendrons plus parler à partir de ce moment. Au revoir, président. L'officier Greg... Ah oui, alors, s'il y a quand même une dernière petite chose, c'est que, comme c'est quand même, je le répète, un moment assez bien écrit, avec un peu de tension, c'est un peu Ocean's Eleven, l'ambiance, quand l'officier Greg... voit qu'il perd de vue la jeune fille, on nous dit qu'il met sa main à la ceinture pour attraper, c'est bien décrit à la manière d'un cow-boy qui va sortir son arme, il met la main à sa ceinture pour attraper une Pokéball, il y a un petit encart assez bien fait qui nous explique que les policiers se voient tous remettre un caninos de service, oh. car c'est un Pokémon chien très loyal, il sort son caninos, et... il lui intime l'ordre suivant, alors il va falloir que je le retrouve, il est ici, il lui dit « Utilise ton flair pour trouver une chatte dans les environs. Je... » le Greg, virez-le. La police, genre franchement, vos recrutements, genre faut les travailler, parce que là, c'est horrible. C'était quand même une phrase qui m'a... C'est ce genre de petite phrase qui me faisait continuer. Parce que c'était tout est dégueulasse, mais de temps en temps, cette petite phrase où tu te dis « Ah, je sais qu'il y a encore du nectar derrière. » Bref, Nico arrive à s'introduire dans la maison slash laboratoire du professeur Chen. On a là un moment assez lyrique où, en gros, il se revoit parcourant les couloirs qu'il traverse seul aujourd'hui. Ses amis et lui avaient des étoiles plein les yeux. C'était le rêve de pas mal d'entre eux de venir travailler ici après avoir suivi les cours dispensés par le professeur Chen, blablabla. Il y a un petit côté assez Harry Potter, école... Voilà, on revient à quelque chose de pas du tout sexuel et d'assez contemplatif, qui marche assez bien, hein, faut le dire. Qui permet au lecteur une petite pause, j'imagine, de reprendre ses esprits. On en a besoin, j'avais pas respiré depuis à peu près 17 minutes quand j'en suis arrivé à ce passage-là. Donc, il s'introduit, sa sœur est encore, je crois, dans la Pokéball. Cette phrase n'allait pas du tout. Il y avait beaucoup de virgules, juste on les voit pas, c'est un podcast. Il arrive dans la chambre du professeur Chen, qui, à sa grande surprise, est en train de dormir avec l'officier de génie qui a encore du foutre sur son visage. D'accord. Comment est-ce possible? Désolé, hein, c'est un ressort narratif. Je crois en clone depuis le début. Donc. Alors, je vais t'arrêter tout de suite avec cette citation. Tout d'abord, un peu de contexte. Il réveille le professeur Chen en le secouant un peu. Le professeur Chen se réveille en hurlant. Et voici ses prochains mots. Alors, imaginez-vous le professeur Chen qui se fait réveiller par un inconnu dans sa maison. Voici, voici exactement sa première phrase. « Désolé que tu aies dû voir ça. Je suis un homme très occupé, ce qui complique ma vie sentimentale. Surtout depuis le décès de ma femme. Ce n'est pas l'agent génique, tu vois. C'est un métamorphe. » Oh non. Non. Ils peuvent même pas faire ça, les métamorphes. Bah si. Donc le métamorphe est en fait une sorte de sextoy slash animal de compagnie du professeur Chen, ce qui est terrible. Parce que, rappelons-le, sa femme est morte, donc sa vie sentimentale est très compliquée, du coup il fait ça. Et c'est la première chose qu'il dit à quelqu'un qui s'introduit chez lui. Ma vie sentimentale est compliquée depuis que ma femme est morte. Du coup, je baise un Pokémon. Mais à ce moment-là du livre, on avait ce que j'étais venu chercher, c'est-à-dire du sexe entre les humains et les Pokémon. Je n'avais pas envie, et je ne sais toujours pas pourquoi il y a cette scène terrible avec la mère, que je suis désolé d'avoir dû vous raconter. J'ai hésité à la cutter, mais voilà, on veut vous dire toute la réalité. Anyway... Une conversation s'ensuit, le professeur Chen passe en mode scientifique fou. Oh mon dieu, t'as réussi à attraper quelqu'un dans la super Pokéball, ça prouve des choses qui jusqu'ici n'étaient que légendes, comme quoi les humains sont peut-être aussi des Pokémon, il faut qu'on fasse des études, blablabla, blablabla. Ils emmènent donc la Pokéball et la sœur de Nico dans le laboratoire. Qui sont deux objets séparés à ce moment précis. c'est peut-être pas très important. Et bref, ils arrivent dans le laboratoire, ils font sortir la sœur. La sœur dit « Ouin, ouin, ne me laisse pas tout seul avec le professeur », donc le frère reste pour garder sa sœur. Le professeur commence à l'analyser, lui demande évidemment de se foutre à poil. Et il la met dans une machine, et là, il y a un moment qui est impossible de redécrire à l'oral, mais en gros, il sort une sorte de Pokédex, et il se rend compte que la sœur de Nico a développé genre des statistiques comme les Pokémon, et donc t'as une liste de espèces, taille, poids, niveau, et ses attaques. Et genre, elle a l'attaque charge de type normal, rugissement de type normal, et charme de type fée. Et donc, il lui explique « Ah, lol, ta sœur, c'est un Pokémon maintenant. Il faut en savoir plus sur ce prototype de Pokéball. Bref, facilité de scénario. Vous allez pouvoir découvrir des choses et battre la Team Rocket grâce aux découvertes que vous allez faire. Parce qu'ils n'ont probablement pas un deuxième prototype. Blablabla, blablabla. » Et du coup, sa sœur, à partir de ce moment-là, accepte de devenir un Pokémon et de se battre au péril de sa vie. Non, sa sœur, elle est grave vénère. Okay. Sa sœur, elle est pas bien, elle veut retrouver sa liberté et tout. Mais en même temps... Quelle drôle d'idée. Le professeur Chen n'a pas nécessairement de solution pour la faire sortir de là, et il lui vend tout un truc de « Oui, toi, t'as pas le bon rôle parce que t'es un peu une esclave dans ta Pokéball, mais tu vas grave faire avancer la science et je suis sûr qu'on va trouver une solution. T'as le frère qui va avoir l'opportunité de vivre son aventure qu'il voulait à tout prix, et du coup, elle est là genre « Bon, d'accord, parce que... » C'est une bonne conne. C'est un faire-valoir, tel que Hollywood nous a appris à apprécier les femmes. Oh mon Dieu, ne parlons pas d'actualité, tout va mal. Donc, ils partent, je fais des raccourcis, hein, ils partent le lendemain sur la route Pokémon pour vivre, pour vivre l'aventure du garçon, parce que la fille, tout ce qu'elle veut, c'est un peu retrouver sa liberté. Quelle drôle d'idée. Je tiens à dire que depuis le truc du professeur Chen et jusqu'ici, c'est encore l'écriture, le niveau de l'écriture est correct. C'est-à-dire qu'il y a des liens entre tout, il n'y a pas de vieille ellipse facile. Du genre, il commence à se battre contre des Pokémon, donc le premier qu'il voit, c'est un Rattata, mais elle lui fait une attaque charge et elle le met KO direct, donc ils ne peuvent pas l'attraper. Et ensuite, il voit un Rukul, et le Rukul fait une attaque tornade, ce qui a pour... du coup, il s'enfuit, parce que je crois que c'est comme ça que l'attaque tornade fonctionne. Sauf que, du coup, Léa se retrouve pleine de sable, donc elle doit se laver. On nous donne une excuse pour la voir à poil. Oh non ! Donc on va quand même la voir à poil, mais je veux dire, il y a eu une excuse. Il y a une volonté de bien faire de la part de l'auteur. On ne déshabille pas gratuitement ici, monsieur. Je suis désolé, cet épisode est un peu mon droit de réponse à ton épisode d'avant, où il n'y a pas eu de cul, tu vois. Là, tu t'en prends plein la gueule, mon petit père. Donc, ils doivent aller dans une rivière pour qu'elle se nettoie, et au moment où elle est plus ou moins à poil, il y a un Piafabec qui arrive, parce qu'on reste dans l'univers Pokémon, mec. Genre, quand tu te dis, ah, oh, attends, on est dans un truc limite incestueux, c'est horrible, et là, t'as des Pokémon, et tu dis, ah, c'est pour ça que je suis venu, donc je vais rester, tu vois. Et là, il y a le Piafabec qui arrive, qui commence à l'attaquer, et par une incroyable facilité de scénario, ils se rendent compte que quand elle montre ses seins, c'est en fait l'attaque charme et que ça bloque complètement les Pokémon parce qu'ils la matent au lieu d'attaquer. Non. Et donc, ils arrivent à s'en sortir grâce à ça. Et la meuf accepte. Bah, en fait, elle a une espèce de truc un peu entre deux parce qu'elle veut pas trop se battre, mais en même temps, elle est obligée parce que... elle peut se battre alors que son frère, c'est un bolos qui fait que de donner des ordres. Mais pourquoi elle lui casse pas la gueule? Bonne question. Ça, c'est Léa. Genre, j'ai des pouvoirs qui permettent de casser la gueule à mon geôlier. Je casse la gueule à mon geôlier. Ouais, mais ton geôlier, il appuie sur un bouton et bam, t'es dans la Pokéball. Et en plus, elle aime son frère quand même, tu vois. Ok. On se demande tous pourquoi, mais elle aime son frère. Ils battent le Piafabec, s'enfuit. Il y a une scène qui remet un peu les choses en place où... elle dit à son frère, ouais, t'arrêtes pas de me voir à poil. Alors, j'ai eu très peur que ça soit une scène d'inceste. Donc toi, je veux te voir à poil aussi, comme ça t'arrêteras de te la raconter. Du coup, il dit non, mais elle arrive à genre lui baisser son slip de bain et elle se fout de la gueule parce qu'il a une petite tub et il dit l'eau est froide, blablabla. On l'a tous fait celle-là. Ce qui s'annonçait comme une scène terrible était en fait quelque chose d'assez enfantin et assez rigolo. Et enfin rigolo, ouais, j'ai pas pesé mes mots, désolé. Et donc ils se battent un peu contre des Pokémon. ils finissent par arriver dans la ville qui est au bout de la route sur laquelle elles sont. La ville, c'est Jadiel, et absolument comme dans le jeu vidéo sur Game Boy, le garçon veut absolument faire l'arène pour avoir son badge et battre le chef de l'arène. Le chef de l'arène, malheureusement, c'est Giovanni. Giovanni, il est pas là. Du coup, ils se font têche de la ville et ils doivent aller à la ville suivante. Tu suis jusqu'ici ? Il n'y a pas de souci. Je suis le souffle un peu coupé. Je essaye de deviner un peu ce qui va m'arriver. Du coup, de m'y préparer, etc. Mais quoi qu'il arrive, c'est difficile. Je vois le temps qui passe et il faut que j'aille beaucoup plus vite que ça. Ils se dépêchent d'aller vers la ville suivante. La ville suivante, c'est Argenta. Il y a eu des combats, donc la meuf, elle est un peu fatiguée. Elle a perdu de la vie, selon les codes du RPG qui est Pokémon. Et donc, entre-temps, il se passe quelque chose de terrible. On a un espèce de petite digression sur ce qui se passe à Bourg-Palette pendant qu'eux, ils sont en train de faire les cons. Et donc, il s'avère qu'on est jeudi. on est vraiment jeudi comme il faut, quoi. Et la daronne, elle est chez elle. Ça sonne à la porte, c'est le professeur Chen, il lui dit... T'as vu quel jour on est ? Il lui dit, désolé pour tes enfants, je sais que t'aurais voulu qu'ils restent auprès de toi, tu te sens seul. Elle est là, c'était relou, j'ai mis des capotes dans leur sac de voyage, machin. Oh non ! Et là, le professeur Chen, il commence à faire ce pourquoi il est venu, il sort une Pokéball, et là, il y a un monsieur mime qui sort de la Pokéball. J'arrive pas à associer les deux idées pour l'instant. Ils vont tous les trois dans la chambre. Oh ! Surtout que Monsieur Mime, il est genre particulièrement malsain. Oui, il est pas terrible. Mais apparemment, c'est pas du tout la première fois que ça lui arrive parce qu'on a des descriptions du style « Elle était habituée à ce qui allait lui arriver », machin. Bref, c'est horrible. Le Monsieur Mime utilise ses pouvoirs psy pour la faire léviter et lui retirer ses vêtements. Et en gros, il la baise, le professeur et Monsieur Mime. Et on a genre un petit aparté, désolé, il faut que je le dise aussi, un petit aparté comme quoi elle doit prendre Monsieur Mime dans sa bouche et le professeur dans son vagin parce que sinon ça serait un peu plus de la zoophilie et c'est pas cool. Elle peut se trouver les excuses qu'elle veut, franchement ça le fait pas. On a aussi inconfortablement longue description sur le fait que le Pokémon éjacule plus que le professeur. Pourquoi ? Mais surtout que Monsieur Mime, faut vraiment se remettre en tête la tronche qu'il a. Et on n'a pas le temps. C'est littéralement un pédophile belge, mais genre mélangé avec un Pokémon, justement. C'est l'association des deux, quoi. C'est horrible. Très bien, bah poursuis, hein. On ne peut pas aller plus loin. Mais... Je vais quand même me mettre une photo... Oh non ! Je viens de revoir Monsieur Mime, il est encore plus dégoûtant que ce que je pensais. On dirait Coluche et une coccinelle. En fait, tu mets les deux et ça fait ça. Voilà. Désolé, Coluche. On t'aimait. On t'aimait toujours. Donc, nous avons notre frère et notre sœur qui arrivent dans la ville d'Argenta. En gros... Oh, je viens de me faire montrer un mime terrible. Désolé, c'était pas très visuel. Ils arrivent dans la ville d'Argenta, ils décident d'aller foutre la sœur au centre Pokémon pour la soigner. Donc le frère fout la sœur dans une Pokéball, la file à l'infirmière Joël, qu'on nous dit être très bonne en aparté. Ce que pensait Pierre également aussi. Alors Pierre et Andy ne font pas partie de cette fiction, Sacha non plus. Je te calme tout de suite, il n'y aura pas de grande reveal où Pierre il arrive et en fait blablabla. J'ai oublié un truc que je vais juste refaire en aparté. La première fois, et je ne vous rappellerai pas dans quelles circonstances, on voit le pénis de notre héros principal. Il dit qu'il voit son pénis dressé fièrement tel un onyx, qu'on nous précise entre parenthèses être un Pokémon ressemblant à un serpent de type pierre. Bref. Ils arrivent dans la ville d'Argenta, il fout sa sœur au centre Pokémon, elle se fait soigner. Pendant qu'elle se fait soigner, il va faire un tour, il va chercher sa sœur. Mais ça prend 3 secondes! Mais dans cette histoire, apparemment, ça prend plus de temps. Okay. Bref, il va chercher sa sœur. Elle est là, genre, oh, trop bien, ça m'a fait une sensation cool d'être soignée. Peut-être que je suis pas si différente que ça d'un Pokémon, après tout. Il décide d'aller dans l'école Pokémon pour blabla, pour voir ce qui s'y passe. Sauf que, dans cette fiction, l'école Pokémon a une arrière-salle. Je vais essayer de... La scène, là, se divise en deux parties. Attends, juste l'école Pokémon, c'est pour les petits-enfants, en plus ? Non, c'est genre pour les dresseurs. Très bien. on va oublier qu'ils sont censés être jeunes, on va dire qu'ils sont genre tous jeunes adultes, tu vois. D'accord. L'histoire se sépare en deux et on a des une narration frictionnée entre... frictionnée n'était pas le bon mot. On a une narration fractionnée entre Nico et Léa. On nous dit que Nico fait son truc et Léa aussi. Nico va dans l'arrière-salle un peu cachée de l'école Pokémon dans laquelle il trouve, et pour faire un raccourci je vais le dire, ce qui s'apparente à un sex shop dans l'univers Pokémon. Ok, donc dans l'arrière-salle d'une école. Malheureusement. Ok. Non, ouais. Mais j'essayais de picturer le truc vraiment avec notre école primaire d'enfance. Non, ne fais surtout pas ça. Car tu vas me mettre des images en tête à moi aussi. J'essaie de t'attaquer. Je tu casses, pas que tu payes, hein, tu casses. C'est aussi simple que ça. Voici. T'as touché ta chatte. Voici. T'as touché ta chatte. Voici une description de ce que peut voir Nico. Alors, c'est du texto, hein, c'est du quote-unquote de ce que Nico peut voir dans le sextoy. Lèvres de Liputou pour homme, sextoy trio picker pour les soirées entre amis, plug magnéti, boule de Geisha et Voltorb ou électrode pour les plus courageuses. Mais sa découverte la plus étrange, c'est ce qu'ils appellent une glory ball. Apparemment, il suffit de capturer un Pokémon ou d'aspirer un Pokémon déjà capturé dedans, puis à l'extérieur se trouve un trou permettant de glisser son membre à l'intérieur pour partager un plaisir charnel en toute discrétion. Partager, hein, parce qu'on est vraiment dans, dans l'échange, là. Mais genre, le mec se fait tout un devoir après d'expliquer qu'à la base, cette Pokéball, elle a été inventée pour aider à se reproduire des Pokémon entre qui ça marchait pas trop, comme les pandas à qui on monte du porno. Genre, il essaye de tout justifier, ce que j'ai trouvé assez mignon, parce qu'en soi, c'est dégobillant, c'est terrible. Bref, on nous donne tout ça, et tout au fond de cette salle déjà cachée, il voit un vrai Glory Hall. Non. Et non, il non. commence à faire la queue pour... Quoi ? En plus, il y a la queue ! Il fait la queue. Il fait la queue pour aller au... Il y a des gens qui font la queue. Oui, non, mais c'est ça, genre... Ah oui, j'ai il jamais est là, été genre, dans oh, un bah, tiens, je sais pas vraiment à quoi ça ressemble dans la vraie vie, mais j'imagine que, genre, si en plus il y a la queue, t'es genre grave désossé, tu vois, genre, t'es pas en mode genre, ah ouais, trop saucé et tout, machin. Faut que ça reste un truc intime. Imagine, il y a genre 10 mecs qui sont derrière toi, qui t'aiment et qui attendent et que tout le monde est là sur son téléphone à balancer des tweets et genre. D'abord, je vais clarifier, j'ai pas cette expérience, mais je pense que tu te trompes lourdement. Je pense que ça fait partie du truc que de faire la queue, tu vois. Oh non! Bref, nous apesantons sur le sujet. Et donc, il commence à faire la queue. Pendant ce temps-là, Léa fait le tour des rayons et elle se dit... Attends, et du coup, sa sœur, elle lui dit pas genre, mec, t'es sa cramé d'eau. Sa sœur n'est pas rentrée dans l'arrière-salle, qui apparemment n'est visible que par les hommes, on va dire. Okay. C'est une question de gamètes. Elle fait le tour et elle se dit, tiens, j'ai envie de pisser, il y a des toilettes pour femmes, j'y vais. Oh non! Non, elle rentre dans les toilettes pour femmes et elle se dit, tiens, c'est bizarre, ces toilettes sont gigantesques, il y a même une cabine de douche dedans et surtout, encore plus bizarre, il y a une porte qui permet d'aller vers... Il y a une porte qui emmène vers l'arrière de la boutique. On comprend vite, hein, je vais pas essayer de vous faire le suspense, qu'elle est complètement dans le glory hall et que la porte, c'est une espèce de porte de sortie. Elle le sait pas encore. Mais attends, du coup, il y avait personne dans la pièce ? Ah putain, tu fais bien de m'arrêter. Au moment où elle va rentrer, qui sort de là ? L'infirmière Joël, complètement débraillée et toute rouge. Il y a des questions qu'il ne faut pas poser, en fait, dans la vie. Elle lui dit, oh, désolé, je m'étais endormie. Oui, puisqu'elle attend 10 minutes devant les chiottes. Voilà, tu vois, j'avais oublié quelque chose, t'as bien fait de me dire. Donc, elle se dit, ah, lol, l'infirmière Joël s'est endormie sur les chiottes. Elle rentre, et au moment où elle commence à pisser, elle sent quelque chose contre son visage. Je te le donne en mille, c'est une bite. Attends, ouais, bon, j'ai essayé de architecturalement visualiser la scène, mais l'effort ne vaut pas la récompense. C'est faisable, je l'ai imaginé, genre, tu peux me montrer des plans, ça tient le coup. Bref, plutôt que de partir de là horrifiée, elle se dit « Oh, j'ai jamais eu d'expérience sexuelle, pourquoi pas ?» Et bref, quoi ? Ça dure très longtemps et je vais te passer les détails. Estime-toi heureux, elle suce cette bite. Ah oui, mais il n'y en a qu'une. Il n'y en a qu'une. Ok. Il n'y en a qu'une. Parce que je me suis dit qu'elle allait... Ne m'oblige pas à prononcer le verbe « sucer » plus de fois qu'il ne le faut. Très bien, bah utilise des... Elle le suce. C'est la dernière fois que je le dis concernant ce moment bien précis. Ça arrive, il y a du foutre, du coup elle prend une douche et elle s'en va. Et donc, elle sort de cette pièce, de cet endroit... macabre. Elle ne sort pas par l'arrière, elle sort par l'avant, et il y a quand même ce petit moment que j'ai trouvé assez drôle où elle sort et on nous dit Léa passe la porte sans rien dire et sans payer pour ses achats. Entre guillemets, je pense avoir payé le prix fort. Oh putain. Ce qui m'a fait un peu rire. Donc elle sort de là et on nous explique que en gros, parce que je rappelle que c'est une narration fractionnée, son frère va aussi dans le Glory Hall, va aussi faire mettre sa teub et quelque chose lui arrive. Et le livre nous laisse le doute, et j'ai trouvé ça vraiment très classe, nous laisse le doute, est-ce qu'il a fait ça avec sa sœur ? J'ai envie de penser que non. Tout le monde a envie de penser que non. Selon la fiction du livre... Je pense que l'auteur a envie de penser que oui, et c'est ça le plus problématique. Ouais, mais il laisse. Ok. Il laisse. Et c'est un geste gentleman de sa part. Je vais même te dire, c'est vraiment très fortement impliqué que c'est ça qui est arrivé. Mais il n'y a rien qui le prouve par A plus B. Okay. Et on nous laisse le choix de nous en sortir avec... Voilà. S'il n'y avait pas eu l'histoire de la mère, il n'y aurait pas eu d'inceste sans ça. Et voilà. J'espère que, genre, à la fin, ils ne vont pas se retrouver devant l'école et qu'ils vont se dire « Ah, qu'est-ce que t'as fait ?» Je ne pense pas qu'ils vont raconter toute la vérité. Très bien. Mais bref. Donc le frère fait ses petites affaires, il sort. Alors le frère, pendant que ça arrive, lui, il s'imagine que c'est l'infirmière Joël. Ça se trouve, c'était elle. C'est possible, selon la fiction de cette histoire. Tout le monde fantasme sur l'infirmière Joël dans cet univers. Donc, ils sortent de là, ils décident de retourner s'entraîner un peu avant d'aller dans l'arène. Il y a toute une scène plus ou moins intéressante où un féro-singe tout attaqué sort de derrière des fagots, hein, voilà, on va le dire. Il est tout attaqué, du coup il lui envoie une Pokéball, ça l'attrape direct, il y a un nid de rang derrière, la sœur ressort ses seins pour faire l'attaque... J'ai oublié. l'attaque charme, le nid de rang est charmé, re-Pokéball, bam, de nouveaux Pokémon. Mais attends, il a des stocks de Pokéball maintenant ? Il en a acheté parce que l'école Pokémon, c'est en gros la boutique Pokémon dans ce tournoi. Donc, il a deux nouveaux Pokémon. Il regarde son Pokémon. Et ça, c'est vraiment le moment le plus génial. C'est là que tu sens que le mec, il est genre à fond derrière sa fiction. Le mec est déter. Il suit lui-même les avancées narratives qu'il fait. Parce que on sait pas, ça se trouve, c'est un mec qui se touche en même temps qu'il écrit. Mais non, on a quand même un esprit assez mathématique. Et le frère regarde son Pokédex. Après que sa sœur ait vaincu les deux Pokémon, et se rend compte que, alors qu'elle n'a pas pris de niveau, elle a appris l'attaque de type spectre, l'échouille. Oh non. Et donc elle lui ment en disant « Oui, à un moment, j'ai mangé une glace. » Oh non, c'est lié à ça. Ouais. Oh non. Les humains sont des Pokémon, mec. Non, mais oui, mais tu prends pas... C'est terrible. Bref. C'est ce qui arrive. Il a de nouveaux Pokémon, il rencontre Basile, son rival, qui est en gros le régis du jeu vidéo. Ils se battent l'un contre l'autre, il perd comme une merde et il doit lui donner des Pokédollars. Il y a un léger clin d'œil qui est fait au mime assez connu du fait que c'est des enfants sur la route et ils doivent se racketter une fois qu'ils ont gagné des combats Pokémon, ce qui est assez rigolo. Et pas du tout sexuel, du coup c'est un changement de ton assez bienvenu hein, dans le récit terrible. Une bouffée d'oxygène. Et les voilà revenus vers la ville. Et donc, on a cette scène où notre héros Nico décide de retourner faire un tour au Glory Hall. Très bien. Pas très bien. J'ai dit très bien naturellement, mais pas très bien. Mais oui, soit. J'espère que sa sœur est autre part ce coup-ci, qu'il n'y ait pas de malentendu. Et bah, figure-toi, où est sa sœur, à ton avis ? Sa sœur, elle est partie. Partie se faire soigner. C'est presque ça. Oh merde. Sa sœur, elle est partie au centre Pokémon rencontrer l'infirmière Joël. Échanger des petits conseils. Elle se retrouve un peu en aparté et alors qu'on croit qu'elle va lui demander de se faire soigner, elle lui demande de lui apprendre comment... Utiliser l'attaque l'échouille. Voilà. Merci. Je te remercie de m'avoir sauvé. Il n'y a pas de problème. Je n'ai pas eu à décliner ce verbe que je n'aime pas décliner tant de fois à la suite. Et donc, l'infirmière Joël l'amène dans une arrière-salle où il y a un machoc qui dort. Il y a combien d'arrière-salles ? Genre, on y a beaucoup d'arrière-salles. On est à New York ou quoi ? C'est un speakeasy géant. Elle l'emmène dans une salle où il y a un machoc qui dort. Elle lui dit on va t'entraîner sur un machoc. Oh non ! Et je vais pas faire beaucoup de détails, mais j'insiste qu'il y a tellement de détails qui sont donnés sur ces moments-là. Bref, elle suce le machoc, qui a l'air d'être toujours en train de dormir. Bien heureux. Bien heureux. Heureux qui comme Ulysse. Oh non, non, non, on ne va pas citer Georges Brassens. Désolé, Georgie. Donc, elle le suce. Et attaque les chouilles. Et l'infirmière, qui jusqu'ici était très... Je vais le dire, parce que je suis honnête et c'est ce qui m'est venu en tête, maternelle. Non, non, non. Désolé. Et bref, jusqu'ici, elle était très... elle donnait des conseils, elle était là, ah ouais, c'est bien, ça c'est moins bien, machin. D'un seul coup, elle lui attrape, elle lui attrape la tête et elle lui enfonce la tête sur... Le pénis, le cône de glace. Le cône de glace de Machoc. Et du coup, l'héroïne se retrouve dans une situation très inconfortable. Et là, l'infirmière Joël lui dit, j'avais une citation mais je vais pas la lire parce qu'elle est beaucoup trop violente et hardcore. En gros, elle lui dit, pauvre merde, si jamais tu vas balancer à tout le monde que tu m'as vu dans le gloriole, ça va te pourrir ma réputation. Donc, au lieu, tu vas bien fermer ta gueule, sinon ce Machoc, je vais l'envoyer lui et toute sa famille pour défoncer autre chose que ta bouche ou quelque chose comme ça. Waouh, c'est horrible. La dame là, elle a la colère en elle. Hein. Et là, ce Machoc se redresse d'un coup et fait un petit clin d'œil cool. Genre wink. Exactement. C'est très, le ton est très bizarre à cet endroit-là. Très bien. Et tout est normal. Ça ne choque personne. Bah, Machoc. Et quel genre d'attaque elle va apprendre suite à cette bévue? Je pourrais essayer de deviner, mais je vais pas le faire. Elle sort de là. Gros yeux, pardon. Bah attends, ça y est. Elle sort de là, un peu décontenancée, mais bon, ça peut aller quand même. Elle retrouve son frère qui, on nous dit, qu'il a patienté pendant 10 minutes avec sa bite dans le trou sans qu'il y ait rien qui se passe. Oh. Donc, grosse motivation, hein. 10 minutes, le mec, rien ne s'est passé, il était là pendant 10 minutes. Bref. Enfin, les mecs derrière qui faisaient la queue, ils étaient en mode... Rien ne s'est passé. Il sort de là, il rejoint sa sœur. Et tous les deux, du coup, se retrouvent devant la reine. Ils s'apprêtent à rentrer la reine. Et là, c'est fini. Quoi ? Parce que nous sommes, encore une fois, sur une de ces fanfictions sur Internet où t'as un mec passionné, et encore une fois, probablement, la bite à la main... qui écrit un truc long comme un jour sans pain en 6 longs chapitres, et il s'arrête brutalement parce que sa vie est devenue mieux, ou qu'il a compris qu'il faisait quelque chose de mal, sans vouloir juger, hein. Pas de jugement sur les gens qui aiment. Un peu de jugement, quand même. Moi, non. Bah, non, ça, c'est tout. Moi, je chacun son... Ouais, mais c'est un univers fictionnel, il y a des Pokémon... Qu'en dirait Freud ? Tranquille. Ah bah, Freud, il... Du pénis. Exactement. Et donc, voilà, ça se finit de manière un peu abrupte, malheureusement. Mais es-tu sûr que ce n'est pas un chef-d'œuvre en cours d'écriture ? Alors, officiellement, c'est un chef-d'œuvre en cours d'écriture, sauf que toutes les écritures se suivent à raison d'à peu près une ou deux semaines entre chaque épisode, 6 épisodes, mais le dernier est en genre début 2016. Ah. Et ensuite, dans les commentaires, les gens deviennent fous. Parce que les gens sont addicted de tout ça, ils veulent lire tout, ils veulent en savoir plus, et ils sont tellement agressifs qu'il y a des modérateurs du site qui leur répondent « Calmez-vous, si l'auteur a décidé de s'arrêter là, c'est son choix, c'est pas grave, etc. » Et ils sont tous là « Mais oui, mais il a écrit un truc qui nous a rendu tellement chaud, on voudrait trop savoir la suite. » Oh, et as-tu essayé de retraquer un peu Pollux 01. Eh ben, j'ai pas osé. Il a écrit d'autres choses qui sont pas, qui rentrent pas dans le contexte de franchise ou de choses comme ça. Donc, j'avais trop peur de lire l'histoire d'un mec qui veut niquer sa cousine. Il écrit sur l'inceste, donc forcément, j'ai un peu peur. Mais c'est quoi ce thème ? Que quelqu'un m'explique pourquoi dans toutes les représentations érotico-pornographique. L'inceste, c'est aussi important, je ne comprendrai jamais, et ça ne cessera de me dégoûter. Si on a un mec qui est fan de Pokémon... ou d'inceste, qui vient de nous expliquer. Et oui, mais bon, dans l'érotisme japonais, l'inceste a un peu plus la belle part que dans le nôtre. Et après, si c'est dans l'érotisme, c'est dans l'érotisme. Je veux dire... Oui, mais même dans le porno US, digression, hein. Mais il y a que ça. Oui, c'est mais quoi c'est votre récent. Problème ? C'est récent. Ok. Soit. Je suis en colère contre ça. Et j'arrêterai jamais d'être en colère jusqu'à ce qu'on m'explique. Ça, c'est une industrie, là. On parle de Pollux. Très tranquille, bien, très tu bien. Vois. Pollux. Peut-être qu'il est fan de hentai, il voit des trucs un peu fucked up, il s'est dit, ah, je vais faire de... Je sais pas. Je vais ajouter ma pierre. J'ai vraiment envie de croire qu'il a pas de sœur et de mère par qui il est excité et que juste il a l'esprit un peu fécond et qu'il s'est dit, allez, je vais me laisser aller, machin. Si c'est ça, franchement, j'ai pas de problème avec ce qu'il a fait. En tout cas, c'est comme ça que ça se termine. J'étais un peu déçu, mais en même temps, je vois le compteur, on est à 56 putains de minutes d'histoire horrible. Donc merci, un peu luxe de t'être arrêté à ce niveau-là. Et sinon, il aurait fallu faire plusieurs épisodes pour le plaisir de chacun. Je suis assez déçu qu'on soit pas sur ce genre de site où je peux mettre un signet au cas où il y ait un jour une suite. Peut-être que le mec, il a ses crises de la quarantaine, un jour il décide de continuer, parce que moi, dans 10 ans, je serais chaud de lire la suite de ça. Hein. C'était quand même passionnant. Il y avait des moments bien écrits, il y avait des moments mal écrits. C'était une aventure humaine pour moi qui est allée jusqu'au bout de ce truc. Et voilà, j'étais parti avec le thème Pokémon, j'ai lu pas mal de trucs fucked up, mais j'ai fini par tomber sur une histoire qui avait plein de choses, dont certes de l'inceste, désolé, mais qui s'appelait surtout Attraper les toutes, le titre est catchy. On a des statistiques, on a un truc RPG, quand il capture sa sœur la première fois, il nous explique que la Pokéball oscille une, deux, trois fois, puis un petit claquement sec. Tout ça, ça fait appel... fan service, tout ça, ça fait appel à la nostalgie du mec qui avait sa Game Boy. Ça marchait sur moi. Et du coup, ça marchait tellement bien que l'inceste avec la mère arrive trop vite et que je lui ai quand même pardonné et j'ai continué. Donc, il y avait du bon dans cette histoire. J'espère que je vous ai convaincu. Achetez son livre. Voilà, Pollux sur un site qui s'appelle genre xstoryfr ou je ne sais quoi.com, c'est terrible. N'y allez pas, faites... Allez plutôt sur lesstarnu.biz, qui est autrement plus drôle. Oula, il y aura un épisode spin-off là-dessus, et ça sera un épisode où il faudra probablement... C'est oral, mais il faudra quand même oralement cliquer sur un lien, j'ai plus de 18 ans tellement c'est terrible. Faudra dire oui. Sinon, vous ne pourrez pas écouter la fin de l'épisode. Voilà, je suis désolé d'avoir dû soumettre vos cerveaux, oreilles et âmes à tout ça. Sachez que si vous vous sentez blessé, j'ai pris le gros de la blessure. J'étais devant la salve. Je suis blessé. J'ai subi des choses desquelles je ne reviendrai pas. J'espère que vous saurez revenir de cet épisode pour mieux revenir vers l'épisode prochain. Qui, je l'espère, sera... J'espère beaucoup de choses, en fait, du prochain épisode, qu'on retourne pas sur une histoire d'inceste ni de Pokémon. Je vous ai déniché pas mal de choses. Je vais essayer de faire encore un peu contraste avec cet épisode-là, mais l'idée, c'est de pas de parler de balayette exclusivement la semaine prochaine. Donc, je vais faire de mon mieux. C'est vrai que c'était un peu trop voirie l'épisode précédent. En tout cas, on vous remercie. N'hésitez pas à mettre un petit cœur sur SoundCloud ou peu importe où vous nous écoutez, mettez des petites étoiles et des petits bisous partout. Ça nous fait plaisir. C'est cool, même si on a que 150 écoutes pour l'instant sur le premier épisode. Ça nous a fait très plaisir de voir ça et chaque petite écoute est une victoire. Un gros plaisir. Et du coup, chaque écoute est une petite victoire. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre des petits cœurs. Ça fait toujours plaisir. Aidez-nous à devenir le meilleur dresseur. Yeah!